tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïda Khan. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui mon répertoire. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vois qu'il y en a qui sont prêts. Que je te manque autant que ça, que je te manque autant que ça. Oui, dis-le-moi, oui, dis-le-moi. Et dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que je te manque autant que ça, que je te manque autant que ça. Oui, dis-le-moi, oui, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que je te manque autant que ça, que je te manque autant que ça. Oui, dis-le-moi, oh oui. Hey, hey, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que je te manque autant que ça, que je te manque autant que ça. Oui, dis-le-moi. Je ne veux pas lui résister. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les amis qui sont venus nous soutenir. Et puis tous ceux qui sont nés au mois de juillet, bon anniversaire. Parce que c'était mon anniversaire, alors du coup je dis bon anniversaire à tous les mois de juillet, parce que en général il n'y a plus personne. Mois de juillet, bon anniversaire. Alors pour tous les cancers, certaines seront communes, ça va. Génial, ça me fait super plaisir d'être là. Oh. Et ben, on va continuer avec, c'est quoi déjà? Mariama. Bon, alors c'est une chanson pour ma petite fille qui est grande maintenant, qui me fait des misères. Alors pour tous ceux qui ont des adolescents, connaissent bien le problème. C'est bien quand c'est tout petit, petit, petit, petit. Puis après. Bon, voilà, ben en ce moment je déchante, mais là je chante ce soir quand même. Hein. Donc c'est pour Mariama, pour tous les parents qui ont des enfants, pour tous ceux qui vont devenir parents. Voilà, je leur offre cette chanson.